Démonstration de la révélation de l'Immaculée Conception. Première partie. L'enseignement ordinaire de l'Église. Mais encore que toutes ces choses connues, pratiquées en tout lieu par les fidèles, témoignent assez quel zèle l'Église romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les Églises, a montré pour cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge. Toutefois, il est digne et très convenable de rappeler en détail les grands actes de cette Église, à cause de la prééminence et de l'autorité souveraine dont elle jouit justement, et parce qu'elle est le centre de la vérité et de l'unité catholique, et celle en qui seule a été garantie inviolable le dépôt de la religion, et celle dont il faut que toutes les autres églises reçoivent la tradition de la foi. Or, cette sainte église romaine n'a rien eu de plus à cœur que de professer, de soutenir, de propager et de défendre, par tous les moyens les plus persuasifs, le culte et la doctrine de l'Immaculée Conception. C'est ce que prouve et atteste de la manière la plus évidente et la plus claire tant d'actes importants des pontifes romains, nos prédécesseurs, auxquels, dans la personne du prince des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a divinement confié la charge et la puissance suprême de paître les agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères, de régir et de gouverner l'Église universelle. Premier point. Son enseignement sur le culte. Nos prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire d'instituer de leur autorité apostolique la fête de la Conception dans l'Église romaine et d'en relever l'importance et la dignité par un office propre et par une messe propre où la prérogative de la Vierge et son exemption de la tâche héréditaire étaient affirmées avec une clarté manifeste. Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous leurs efforts pour le répandre et le propager, soit en accordant des indulgences, soit en concédant aux villes, aux provinces, aux royaumes, la faculté de se choisir pour protectrice la Mère de Dieu sous le titre de l'Immaculée Conception, soit en approuvant les confréries, les congrégations et les instituts religieux établis en l'honneur de l'Immaculée Conception, soit en décernant des louanges à la piété de ceux qui auraient élevé sous le titre de l'Immaculée Conception des monastères, des hospices, des hôtels, des temples, ou qui s'engageraient par le lien sacré du serment à soutenir avec énergie la doctrine de la Conception Immaculée de la Mère de Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné que la fête de la Conception serait célébrée dans toute l'Église, avec la même solennité que la fête de la Nativité. De plus, que cette même fête de la Conception serait faite par l'Église universelle, avec une octave, et religieusement observée par tous les fidèles comme une fête de précepte, et que chaque année une chapelle pontificale serait tenue dans notre basilique patriarcale libérienne, le jour consacré à la Conception de la Vierge. Enfin, désirant fortifier chaque jour davantage cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu dans l'esprit des fidèles, et exciter leur piété et leur zèle pour le culte et la vénération de la Vierge conçue sans la tâche originelle, ils ont accordé, avec empressement et avec joie, la faculté de proclamer la Conception Immaculée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette et dans la préface même de la messe, afin que la règle de la prière servît ainsi à établir la règle de la croyance. Nous-mêmes, suivant les traces de nos glorieux prédécesseurs, non seulement nous avons approuvé et reçu ce qu'ils avaient établi avec tant de piété et de sagesse, mais nous rappelons l'institution de Sixte IV, nous avons confirmé par notre autorité l'office propre de l'Immaculée Conception, et nous en avons, avec une grande joie, accordé l'usage à toute l'Église. Deuxième point, son enseignement sur la doctrine. Petit a, l'enseignement lui-même. Mais comme les choses du culte sont étroitement liées avec son objet, et que l'on ne peut pas avoir de consistance et de durée si l'autre est vague et mal définie, pour cette raison, les pontifes romains, nos prédécesseurs, en même temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour accroître le culte de la Conception, se sont attachés avec le plus grand soin à en faire connaître l'objet et à en bien inculquer et préciser la doctrine. Ils ont en effet enseigné clairement et manifestement que c'était la Conception de la Vierge dont on célébrait la fête, et ils ont proscrit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de l'Église l'opinion de ceux qui croyaient et qui affirmaient que ce n'était pas la Conception, mais la sanctification de la Sainte Vierge que l'Église honorait. Ils n'ont pas cru devoir garder plus de ménagement avec ceux qui pourraient branler la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, imaginaient une distinction entre le premier et le second instant de la Conception, prétendaient qu'à la vérité c'était bien la Conception qu'on célébrait, mais pas le premier moment de la Conception. Nos prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était de leur devoir de soutenir et défendre de toute leur force tant la fête de la Conception de la Vierge Bienheureuse que le premier instant de sa conception comme étant le véritable objet de ce culte. De là ces paroles d'une autorité tout à fait décisive, par lesquelles Alexandre VII, l'un de nos prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de l'Église. C'est assurément, dit-il, une ancienne croyance que celle des pieux fidèles qui pensent que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, a été, par un privilège et une grâce spéciale de Dieu, préservée et mise à l'abri de la tâche du péché originel, et qui, dans ce sentiment, honore et célèbre solennellement la fête de sa conception. Petit b, sa défense contre les adversaires. Mais surtout, nos prédécesseurs ont toujours, et par un dessein suivi, travaillé avec zèle et de toutes leurs forces à soutenir, à défendre et à maintenir la doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. En effet, non seulement ils n'ont jamais souffert que cette doctrine fût l'objet d'un blâme ou d'une censure quelconque, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Par des déclarations positives et réitérées, ils ont enseigné que la doctrine par laquelle nous professons la Conception Immaculée de la Vierge était tout à fait d'accord avec le culte de l'Église et qu'on la considérait à bon droit comme telle. Que c'était l'ancienne doctrine presque universelle et si considérable que l'Église romaine s'était chargée elle-même de la favoriser et de la défendre. Enfin, qu'elle était tout à fait digne d'avoir place dans la liturgie sacrée et dans les prières les plus solennelles. Non content de cela, afin que la doctrine de la conception immaculée de la Vierge demeurât à l'abri de toute atteinte, ils ont sévèrement interdit de soutenir publiquement ou en particulier l'opinion contraire à cette doctrine. Et ils ont voulu que, frappée pour ainsi dire de tant de coups, elle succomba pour ne plus se relever. Enfin, pour que ces déclarations répétées et positives ne fussent pas vaines, ils y ont ajouté une sanction. Petit c, quelques témoignages. Alexandre VII. C'est ce qu'on peut voir dans ces paroles de notre prédécesseur Alexandre VII. « Nous, dit ce pontife, considérant que la Sainte Église romaine célèbre solennellement la fête de la Conception de Marie sans tache et toujours vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête, selon la pieuse, dévote et louable disposition de Sixte IV, notre prédécesseur, voulant à notre tour, à l'exemple des pontifes romains, nos prédécesseurs favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte qui en est l'expression, lequel culte n'a jamais changé dans l'Église romaine depuis qu'il a été institué, et voulant aussi protéger cette pieuse dévotion qui consiste à honorer par un culte public la Bienheureuse Vierge comme ayant été, par la grâce prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché originel, désirant enfin conserver dans le troupeau de Jésus-Christ l'unité d'esprit dans le lien de la paix, apaiser les dissensions et ôter toute cause de scandale, sur les instances et les prières des susdits évêques et des chapitres de leurs églises du roi Philippe et de ses royaumes, nous renouvelons les constitutions et décrets que les pontifes romains, nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV, ont publié en faveur du sentiment qui affirme que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, dans sa création et au moment de son union avec le corps, a été dotée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel, et aussi en faveur de la conception de la même Vierge Mère de Dieu, lesquelles sont établies et pratiquées, comme il est dit plus haut, en conformité de ce pieux sentiment. Et nous commandons que l'on garde les dites constitutions sous les mêmes censures et peines qui y sont portées. De plus, tous et chacun de ceux qui continueront à interpréter les dites constitutions ou décrets de manière à rendre illusoire la faveur qu'ils accordent aux susdits sentiments, ainsi qu'à la fête et au culte établis en conséquence, ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sentiment, cette fête et ce culte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, et aussi sous quelque prétexte que ce puisse être, même sous celui d'examiner s'il peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet, ou sous le prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur la Sainte Écriture, les saints-pères ou les docteurs, ou qui oseront enfin, sous quelque autre prétexte et à quelque occasion que ce soit, de vive voix ou par écrit, parler, prêcher, disserter, disputer, soit en affirmant et décidant quelque chose à l'encontre, soit en élevant des objections et les laissant sans réponse, soit en employant enfin quelque autre forme ou moyen de discussion que nous ne pouvons pas ici prévoir, outre les peines et les censures contenues dans les constitutions de Sixte IV et auxquelles nous voulons les soumettre et les soumettrons en effet par ces présentes, nous voulons de plus que par le fait même et sans autre déclaration qu'ils soient privés de la faculté de prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, et de toute voix active et passive dans quelque élection que ce soit, et en outre que toujours par le seul fait et sans autre déclaration préalable, il soit frappé d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, desquelles peines nous nous réservons à nous seuls et aux pontifes romains, nos successeurs, le droit d'absoudre et de dispenser, sans préjudice des autres peines qui pourraient nous paraître, à nous et aux pontifes romains, nos successeurs, devoir leur être infligées, et auxquelles ils seront soumis, comme nous les y soumettons par la présente constitution, renouvelant les constitutions et décrets de Paul V et de Grégoire XV rappelés plus haut. Quant aux livres dans lesquels le susdit sentiment ou la légitimité de la fête et du culte, établis en conséquence, sont révoqués en doute, et dans lesquels est écrit ou se lit quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut, ou qui contiennent des dires, discours, traités et disputes contre les sentiments, fêtes et cultes susdits, soit que ces livres aient été publiés après le décret précité de Paul V, ou qu'ils voient le jour à l'avenir de quelque manière que ce soit, nous les défendons sous les peines et les censures contenues dans l'index des livres prohibés, voulant et ordonnant que, par le seul fait et sans autre déclaration, ils soient tenus pour expressément défendus. Ordre religieux, université, évêque. Au reste, tout le monde sait avec quel zèle cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été enseignée, soutenue, défendue par les ordres religieux les plus recommandables, par les facultés de théologie les plus célèbres et par les docteurs les plus versés dans la science des choses divines. Tout le monde sait également combien les évêques ont montré de sollicitude pour soutenir hautement et publiquement, même dans les assemblées ecclésiastiques, que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, n'avait jamais été soumise au péché originel, mais qu'elle avait été entièrement préservée de la tache d'origine et par conséquent rachetée d'une manière plus sublime. Concile de Trente. À tout cela, il faut ajouter une chose qui est assurément d'un grand poids et de la plus haute autorité, c'est que le Concile de Trente lui-même, en publiant son décret dogmatique sur le péché originel, dans lequel, d'après les témoignages des Saintes Écritures, des saints pères et des conciles les plus autorisés, il est établi et défini que tous les hommes naissent atteints du péché originel. Le Saint Concile déclare pourtant d'une manière solennelle que malgré l'étendue d'une définition si générale, il n'avait pas l'intention de comprendre dans ce décret la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Par cette déclaration, les pères du Concile de Trente ont fait suffisamment entendre, eu égard aux circonstances et au temps, que la bienheureuse Vierge Marie avait été exempte de la tâche originelle, et ils ont très clairement démontré qu'on ne pouvait alléguer avec raison, ni dans les divines écritures, ni dans la tradition, ni dans l'autorité des pères, rien qui fût de quelque manière que ce soit en contradiction avec cette grande prérogative de la Vierge.